dans le sable comme des ombres enragées. Leurs cris déchirés cieux brûlent les armées. Chaque pas résonne comme il coup d'épée. Le désert lui-même se met à trembler. Rideski est invoqué, le cercle s'ouvre, la guerre sacrée s'encouvre dans la cendre rouge. Des flammes sortent, des mains levées, des tambours sonnent, l'univers est frappé. Shakul Rideskill! Shakul Rideskill! Tandar Shulmek, Tandar Shulmek. Les flèches hurlent dans l'air saturé, les tambours claquent, les esprits sont liés. Ils n'attaquent pas, ils prient en frappant, chaque blessure est une offrande au vent. Rideskill passe, c'est pas son tempête, son regard fait fuir même les prophètes. Le sol s'ouvre, le sable s'élève, le dieu de la guerre avance en trêve. Zulantela, Shagove, Rideskill, Shakul. Le sol est rouge, les voix sont noires, le nom gravé dans la pierre du soir. Dorimoy, Raidime, Shakul, Rideskill. Le culte en transe, impossible à briser. Chaque voix hurle, chaque point frappe. Même les dieux s'arrêtent dans le fracas. Rideskill conduit, non pas une armée, mais une foi plus dure que l'acier. Silence revient, un seul nom est resté dans l'air. Rideskill!